vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Regarde ça. Ice cream. Eh ben oui. T'as dit ice cream. Et puis alors, c'est pas bon, ça va jamais marcher. T'arrives à rien comme ça, moi. Tombée de la nuit, c'est la réunion des ratus. Toujours pareil, rabatti, vignon, t'as les russes. Chape dans la rousse, c'est quoi voler à la russe? Toujours pareil, les anciens trouvent que les jeunes abusent. Je suis à la bourre du quartier, j'ai fait le tour. J'ai mal au cœur, toujours je ramène à mon parcours. C'est la cité, ça règle ses comptes sur un parking. Je me rappelle plus d'un jour où Pélo, j'étais clean, où c'est la rue. Ouais, où on a vécu, plein de soucis, trop souvent déçus. Les gens sont faux, ils font trop les fous. Si t'es gentil, bah ça te monte dessus. Ils veulent tous nous voir en dessous. Plein d'ercailles avec zéro sous. Le visage grincheux, en gros sans issue. Six me baisse, c'est quoi ma sortie de secours? Faut que ça tourne partout. Je marche pour percer, toi tu cours. On se verra au bout, qui frère le rap, ça rend parano. C'est haram et ça coûte des ronds, les gens autour que par intérêt. C'est mieux de courir derrière un ballon. Petite sœur, c'est dur mais faut pas lâcher. La famille c'est la seule fierté. Les gens détournent, ils sont trop mauvais. Faut pas tout gâcher. Moi je suis là, je pense souvent la nuit. Je vais faire quoi de ma vie quand y'a des ennuis? Non y'a plus d'amis, y'a beaucoup de faux culs, ouais à l'horizon. Y'a trop de déceptions, des frères s'allument mais c'est sans pression. Non y'a plus de raison à croire que personne se remet en question. À part en prison, une fois dehors ça sert pas de leçon. Rien que ça fait les cons, donne du feu, mon pétard j'allume. Y'a plus de neurones, c'est à cause de la fume. Toujours je me dis c'est demain que j'arrête. Et rebelote, connais la coutume. T'y pète un caf, posé devant le bar. OP à 8h du sbar. À heure si j'écris et là il se fait tard. Comme d'hab j'suis chez phare. Premier projet, j'ai fait plein d'efforts. Faut que ça pète le score. Fixe mon véricor. À la vie, à la mort, même si j'en fais trop, bah t'en veux encore. Même si je fais rien, je suis jugé à tort. Et même si je donne toujours sa critique, t'apportes rien au check, même les mêmes t'ignorent. Même si j'en fais trop, bah t'en veux encore. Même si je fais rien, je suis jugé à tort. Et même si je donne toujours sa critique, t'apportes rien au check, même les mêmes t'ignorent.